and numbers never do. I feel lucky. I feel lucky today. Mary Chapin Carpenter sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 21 février 1937, naissance d'Harald V, roi de Norvège depuis le 17 janvier 1991. 1943, naissance de Danielle Evnou, comédienne française vue au cinéma dans Ma femme s'appelle Maurice, mais on la connaît surtout pour son rôle de Marie Lorieux, dite Marie Pervenche, dans la série télé Marie Pervenche, et vue également dans Nos chers voisins ou encore Commissaire Magellan. 1946, naissance de Tin Daly, actrice américaine connue pour son rôle de l'inspecteur Maribess Lassie dans la série télé Cagney et Lassie. C'est également la naissance d'Anthony Daniels, acteur britannique connu pour son rôle de C-3PO dans la saga Star Wars. 1953, naissance de William L. Peterson, acteur américain vu au cinéma dans le film Le Sixième Sens dans le rôle de Will Graham, mais on le connaît surtout pour son rôle de Gil Grissom dans la série télé Les Experts. 1955, naissance de Jean-Jacques Perroni, humoriste français. C'est également l'année de naissance de Kelsey Grammer, acteur américain, vu dans X-Men l'affrontement final dans le rôle de Hank McCoy, alias Le Fauve, Expendables 3 dans le rôle de Bonaparte ou encore Transformers, l'âge de l'extinction. 1958, naissance de Mary Chapin Carpenter, chanteuse, guitariste et compositrice de musique country américaine. C'est également l'année de naissance de Jack Coleman, acteur américain, connu pour son rôle de Noé Bennett dans la série télé Heroes, celui de Bill Forbes dans Vampire Diaries, vu également dans les séries Castle, Chicago Police Department ou encore Hawaii 5-0. 1960, naissance de Laurent Petit-Guillaume, animateur télé et radio français. 1961, naissance de Christopher Atkins, acteur américain, vu dans Le Lagon Bleu dans le rôle de Richard ou encore la série Dallas dans le rôle de Peter Richards. 1963, naissance de William Baldwin, acteur américain, vu dans Backdraft 1 et 2 dans le rôle de Brian McCaffrey, la série télé Dirty Sexy Money dans le rôle de Patrick Darling, quatrième du nom, Gossip Girl dans le rôle de William Vander Woodson ou encore Hawaii 5-0. 1972, naissance d'Audrey Pulvar, journaliste et présentatrice des émission télé. 1979, naissance de Nathalie Dechy, ancienne joueuse de tennis française ayant fait carrière de 1994 à 2009, qui en simple a été 11e mondiale, demi-finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. En double, elle a été 8e mondiale, elle a remporté deux fois l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros et en Fed Cup, elle a été finaliste en 2004 et 2005. C'est également l'année de naissance de Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, vue dans Sister Act 2 dans le rôle de Margaret, Souviens-toi l'été dernier 1 et 2 dans le rôle de Julie James, Garfield 1 et 2 dans le rôle de Liz, vue à la télévision dans La Vie à 5 dans le rôle de Sarah Reeves, Ghost Whisperer dans le rôle de Melinda Gordon, où elle est également productrice de 85 épisodes et productrice exécutive de 21 épisodes, vue également dans The Client List dans le rôle de Riley Parks, également productrice exécutive, vue dans la saison 10 d'Esprit Criminel dans le rôle de Kate Callahan, et elle incarne Maddie Kendall dans la série 911 depuis la saison 2. 1980, naissance de Tiziano Ferro, chanteur italien. 1983, naissance de Mélanie Laurent, actrice française française. Vu dans Embrasser qui vous voudrez, De battre mon cœur s'est arrêté, Je vais bien, ne t'en fais pas, dans le rôle de Lily, récompensée du César du meilleur espoir féminin. Inglourious Basterds dans les rôles de Shoshana Dreyfus et Manuel Mimieux. La Rafle dans le rôle d'Annette Monod. Insaisissable, Vue sur mer d'Angelina Jolie, réalisatrice du film Respire et du documentaire Demain, récompensé d'ailleurs du César du meilleur film documentaire. 1984, naissance d'Andreas Seppi, joueur de tennis italien, professionnel depuis 2002, meilleur classement ATP, la 18e place, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, et 16e de finaliste à l'US Open. 1987, naissance d'Ashley Green, actrice et mannequin américaine, connue pour son rôle d'Alice Cullen dans la saga Twilight et vue également dans LOL USA dans le rôle d'Ashley. C'est également l'année de naissance d'Ellen Page, actrice canadienne, vue dans X-Men l'affrontement final, X-Men Days of Future Past dans le rôle de Kitty Pryde alias Shadowcat, vue également dans les films Juno ou encore Inception. 1989, naissance de Corbin Blue, acteur américain, connu pour son rôle de Chad Danforth dans la trilogie High School Musical, vue également dans les séries The Good Wife, Blue Bloods, Castle ou encore Chicago Med. Et enfin, on termine en 1996 avec la naissance de Sophie Turner, actrice britannique connue pour son rôle de Jean Grey dans X-Men Apocalypse ainsi que X-Men Dark Phoenix et son rôle de Sansa Stark dans la série télé Game of Thrones. Allez, tout de suite, seconde pause musicale. On va faire un petit tour en Italie avec Tiziano Ferro et son titre Perdono. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Puisque de nous deux il ne reste qu'un secret, je te demande, peux-tu me rendre la clé de ma raison de vivre que t'as emporté. Je n'ai que mon désir en guise d'amitié, je n'ai que mon corps d'homme pour pouvoir t'aimer. Ta douce folie, je ne peux l'apaiser. J'irai sans sombrer, analyser tes pensées. Même si je te fais mal, peux-tu me pardonner? Perdono. Si quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Posé sur ma tête, ton souffle léger. Ton corps si chaud, si froid, abandonné. Sens toujours près de moi pour me parler. Ta façon d'être toi qui m'est touché. Et tout, je ne sais pas, et tout est doute. On finit à jamais de tracer ma route. Si quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Pas à pas, tu t'éloignes de moi. Mais tu m'as laissé ton ego. Pas à pas, tu marches vers d'autres bras. Pour me pardonner s'il le faut. De toi à moi, une vie ne suffit pas. Pour l'amour à zéro défaut. Moi sans toi, je n'existerai pas. Car tu m'as aimé tellement trop. Perdono, su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh débrouillard. Sans diamants sont obsolètes, ne sont plus dans le noir. Je sais bien que tu sais que le temps n'entend pas. Commençons de me venger, je vais toujours vers toi. Dis-moi, comment fais-tu pour vivre le cœur dans les brouillards? Sans diamants sont obsolètes, ne sont plus dans le noir. Diano Ferro sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h46 et on parle tout de suite, eh bien, météo. La météo. Eh bien, ce sera une belle journée ensoleillée aujourd'hui avec tout de même quelques nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi, samedi du soleil avec des nuages également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour samedi après-midi, dimanche les nuages et le retour de la pluie, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le biathlon et les championnats du monde en Italie à Antols. Hier, c'était le relais single mixte qui a vu la victoire de la Norvège, composée de Johannes Bø et de Marte Olsbu Røiseland. Et Røiseland qui nous fait des championnats du monde du tonnerre, hein, puisqu'en 5 courses, elle a décroché 5 médailles, dont 3 en or, une sur le sprint et 2 sur les relais. La Norvège termine donc première avec 6 pioches, ensuite c'est deuxième l'Allemagne avec 5 pioches et la France avec 4 pioches, et bien complète ce podium. Émilien Jacquelin et Anaïs Bescon remportent donc la médaille de bronze sur ce relais single mixte. Aujourd'hui c'est repos. Samedi nous aurons droit au relais, tout d'abord honneur aux dames avec donc le relais féminin et ensuite et bien ce sera le relais messieurs et dimanche on terminera en beauté avec les mastarts. On commencera avec les Mastart féminines et ensuite on terminera ces championnats du monde avec donc la Mastart masculine. Un mot de tennis avec le tournoi de Delray Beach. Hugo Humbert s'est qualifié en 2-7 face à Kecmanovic. Il affrontera aujourd'hui Tiafoe. À Marseille, Gilles Simon s'est qualifié en 2-7 face à Bédéné. Il affrontera aujourd'hui Medvedev. En revanche, à noter l'élimination de Pierre-Hugues Herbert en 3-7 face à Auger Aliassime. Des nouvelles de Roger Federer. Il a annoncé qu'il s'était fait opérer du genou. Il sera forfait pour plusieurs tournois et notamment forfait pour Roland-Garros. Un mot de football avec le programme de la Ligue 1. Ce soir, Nice affronte Brest, Metz affronte Lyon. Samedi, Marseille recevra Nantes, Angers, Montpellier, Dijon, Monaco, Lille, Toulouse et Strasbourg, Amiens. Dimanche, Saint-Étienne recevra Reims, Rennes, Nîmes et on terminera avec le PSG face à Bordeaux. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Chambly. En National 2, samedi, Épinal reçoit l'équipe 2 de Lille. En National 3, samedi, toujours, Rennes l'étape recevra le club de Vauban-Strasbourg et Thaon-les-Vosges recevra l'équipe 2 de Troyes. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la D2. Épinal reçoit samedi soir à la patinoire de Poissompré l'équipe de Vaujany pour ce match numéro 2. Je vous rappelle qu'à l'aller, les Spinaliens s'étaient imposés 5-3. Si Épinal vient à s'imposer samedi soir, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, eh bien les Spinaliens seront qualifiés pour les quarts de finale. En revanche, si Épinal malheureusement s'incline lors du match de samedi, eh bien il y aura un match numéro 3 dimanche, toujours à la patinoire de Poissompré. Et à noter qu'une prévente pour les places de cette rencontre se fera cet après-midi à la patinoire de Poissompré. Et on termine avec du rugby, tournoi des 6 nations ce week-end, samedi, France Pays de Galles. Allez, tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale. Alors, on a eu de la country, de la musique italienne. Et là, ben, c'est plutôt espagnol. Voilà, il ne fait pas très, très beau en ce moment. Il ne fait pas très chaud. Et bien, voilà, c'est une nouveauté signée Karol G et Nicki Minaj. Ça s'intitule Tout ça. C'est pas ça contigo. Dimelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y ahora